les endroits où j'ai zoomé. Albi, Mio, Desro, en passant par Montpellier. À tous les zonas, connard. Dans la rue, je marche, je traîne. Ma peine, souvent je m'y attache. Ouais. Parce qu'après tout, y'a que ça que j'aime. Être seul, solo. Avec la zik et reste sans but. Parce que dans la vie, je bute. Et le truc, c'est que je sais pas si ça ira mieux demain. Je vois un tas de chips. Certains avec des chics, d'autres des handicaps. Et davantage, ça m'accable. Je vois ce gars en fauteuil. Certains finissent tétraplégiques. C'est triste d'y mettre après une cahier toute sa clique. Au volant, roulant violent. Mais au prochain tournant, finiront peut-être en fauteuil roulant. Patinage, dérapage, mitrogénage. Dans la rue, je vois ce SD. Prêt à tout pour avoir une facture EDF. Payer l'ISF, passe vite F. Le clodo dans les ordures. Putain, la vie c'est dur. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine. Espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne. Vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine. Espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne. Vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène. Qui sait comment sera notre futur? Faut que j'assure, c'est sûr. Avancer en esquivant les murs, les impasses de l'avenir de la vie. Dans l'avenir, j'aurai d'autres envies que finir ainsi. Mais c'est pas un choix, crois-moi. Quand je vois ce sans-abri scruter le ciel, en espérant y voir un beau soleil. Mais c'est l'orage et la rage. Pourquoi t'y rencontrer tant de barrages? La vie est belle, mais pour certains, le bonheur est dans les gènes. Ça me gêne, mais c'est certain. Je continue ma petite aventure, de plus en plus pensant au futur. Est-ce que je roulerai en belle voiture, pleine d'études? Est-ce que des journaux, je ferai la une? Nul ne peut dire, mais je vois ce bourge et ça me fait réfléchir. Merco, résidence et piscine, donc euro, chance et belle fille. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine. Espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne, vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine, espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne, vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène. Je vois que la vie n'est pas la même partout, que c'est la même. Tu sors au noir ou babtou. Je vois des magasins défoncés, autant que des gars dépouillés. Je vois des joints faire rouler dans les coins, des garibous prendre ou donner des coups. Certains bégèrent, d'autres veulent pas se taire. Je vois des gars qui critiquent et d'autres qui niquent. Je vois aussi que certains gardent les mêmes stéréotypes que le mec à casquette. C'est un sale type. Quand je traîne, je vois que les flics rôdent, mais d'après moi, ne jouent pas bien leur rôle. Je vois que leur contrôle se durcisse et de plus en plus, ils deviennent agressifs. Et c'est drôle, se retrouver en cellule pour un oubli de papier ou bourré. Mais t'inquiète, dès que je sors dehors, je traîne encore et encore. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine. Espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne, vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène. Dans la rue, je marche, je traîne ma peine. Espère un monde meilleur quand je vois tant de malheur. Dans la rue, je marche, je traîne, vois tant de haine et parfois vois. Car rien la vie ne mène.